Dans l'horreur des pontons. Aussitôt ramené à Portsmouth par le brick vainqueur, tout l'équipage du Penbase, sans qu'il fût tenu compte des grades ni des blessures, avait été, suivant la coutume, interné sur le ponton le Protée, l'un des 9 vieux vaisseaux qui, ancrés à l'entrée de la rivière de Portchester, formaient en face de Portsmouth une lugubre file de prisons flottantes. Entre une double haie de soldats, les prisonniers amenés par les embarcations du Transport Office étaient montés à bord. Des geôliers les avaient dépouillés de leurs vêtements, plongés dans un bain glacé, revêtus de la livrée jaune des pontons, immatriculés et parqués dans la batterie 24. Mélangés aux 700 prisonniers français qui étaient entassés sur le Protée, les marins du Penbase n'auraient pas tardé à être dispersés dans cette foule hâve, épuisés de privations et abreuvés d'injures et d'humiliations par des geôliers sans pitié, si le vif sentiment de l'étroite fraternité bretonne et l'énergie de Jan Postek et de Pierrick Lantoc n'avaient maintenu entre tous des liens d'affection et de discipline qui firent des 31 survivants du Penbase un petit groupe fermé, solide et cohérent, toujours réunis en un angle de la batterie auquel les autres prisonniers donnèrent aussitôt le nom de carré armoricain. Ainsi, les matelots du corsaire échappèrent par la sévère discipline que Lantoc continua à faire régner parmi eux à la promiscuité et à la démoralisation, deux maux aussi dangereux l'un que l'autre sur les pontons. Les corvées d'eau et de propreté imposées par les Anglais étaient exécutées suivant un roulement régulier, et les rations exiguës composant l'ordinaire des prisonniers, groupées par plats de 6 hommes, étaient réparties au carré armoricain avec une exactitude qui n'eût pas été désavouée à bord du Penbase. Aussi, quoique souffrant autant que leurs compagnons d'infortune, les corsaires avaient gardé une santé morale et physique meilleure. Malgré le manque de soins, les blessés s'étaient assez vite remis. Cette arrivée, ces misères, ces souffrances et cette installation méthodique avaient laissé indifférent Thor et Penn qui, l'exaltation du combat disparu, désespérés d'être revenus vivants de cette lutte sans merci, étaient tombés dans un état de prostration profonde contre laquelle Lantoc avait d'abord en vain essayé de réagir. Lorsqu'il tentait d'intéresser Thor et Penn aux détails de l'existence qu'il réglait, Lantoc ne s'était attiré qu'un « À quoi bon tout cela ?» Le maître avait alors insisté, déclarant « Il faut s'organiser. Les pontons anglais, on s'en évade. » Un sourire si navré avait accueilli cette phrase pour toute réponse que Lantoc avait grommelé. « Ah, diable ! Plus désemparé que je ne croyais, le commandant. Ça devient grave, faut ouvrir l'œil. » Peu à peu, cependant, sous la cuisante brûlure des souffrances et des misères endurées sur le ponton, le jeune marin se reprenait presque malgré lui. À de certaines humiliations dont les sous-officiers et les soldats anglais n'étaient pas ménagés, son œil retrouvait les lueurs métalliques d'autrefois. Et, en même temps, son attitude naturellement si grave et si noble, qui avait fait jadis tant d'impressions sur les gens de Plougasnou, en produisait une identique sur ses compagnons de captivité qui ne le connaissaient que sous son prénom nouvellement reconquis de Guy et par un respect instinctif l'accompagnèrent bientôt du mot de « monsieur ». Ceci était une prudence de Lantoc qui, pour éviter au jeune homme une surveillance plus étroite et un surcroît d'avanie dû à son surnom trop célèbre parmi les Anglais, avait jugé plus habile de ne le faire connaître que par ce prénom, et l'équipage du Penbase observait scrupuleusement cette consigne qui, rejetant le hardi corsaire dans la foule anonyme des 700 prisonniers, pouvait, le moment venu, favoriser une évasion. Installé sur l'arrière du faux pont auprès de la rambarde percée de meurtrières à l'abri de laquelle les soldats anglais pouvaient surveiller les prisonniers et, au besoin, les fusiller sans danger en cas de révolte, le carré armoricain ne différait en rien du reste du ponton par l'ameublement ou la décoration. Quelques bancs grossiers semblables à ceux que confectionnaient tous les prisonniers, quelques travaux de vannerie et de menuiserie en étaient tout l'ornement. Avec un petit cutter à demi terminé que Tanguy, le silencieux Paganise, toujours aussi taciturne que par le passé, sculptait et gréait avec amour et qui représentait à la perfection dans ses moindres détails le malheureux Penbaz. Les plats de 6 hommes étaient déjà organisés. « Jour gras que c'est aujourd'hui !» annonça Kéribin en s'accroupissant sur le plancher. « Mais suivant l'habitude, » repartit Lantoc, « ce n'est pas l'abus des ustensiles de cuisine qui nous gênera. » Un simple bidon de fer blanc et une gamelle représentaient en effet la vaisselle de chaque homme, cuillères, fourchettes et couteaux étant complètement absents. Pour être du poids réglementaire, le menu de ce jour gras n'en était pas moins d'une exiguïté particulière, chaque homme ayant reçu 1¼ livre de pain bis et 7 onces de viande de vache, plus 3 onces d'orge et 1 once d'oignon pour 4 hommes. « Ce n'est pas encore ce repas-là qui nous rendra malades d'indigestion, » railla Lantoc, que le mutisme de Thor Heppen inquiétait et qui cherchait à plaisanter pour tirer son commandant d'une absorption que son affection passionnément dévouée considérait comme dangereuse. « Tiens, eh bien, qu'est-ce que tu fais, Lantoc ?» dit Kéribin. « Tu trouves que tu en as trop ?» Avec son couteau, Lantoc se livrait en effet à une singulière besogne. Il ôtait de sa viande toutes les bribes de graisse et les déposait soigneusement dans une grossière boîte de bois à côté de lui. « Parle donc, Bretonnec, quand tu poses des questions comme cela » répliqua-t-il durement en employant aussitôt la rude langue armoricaine. « Tu oublies que derrière le panneau il y a des oreilles anglaises qui écoutent et que dans la batterie il y a de pauvres diables qui nous vendraient pour 1 once de pain. Tu ne vois donc pas que je collectionne la graisse depuis 2 mois pour nous mettre sur la peau au cas où on pourrait s'en aller d'ici à la nage. Et tu ferais bien de faire comme moi, pas vrai, commandant ? » termina-t-il en s'adressant à Thor Heppen. Le jeune homme, depuis un moment, écoutait une conversation entre Paul Kerguistel et Sylvestre Poulzic. « 23 juin, que c'est dans 3 jours, souviens-toi !» avait dit Kerguistel. « Pardon de Saint-Jean du doigt !» répliquait Poulzic. « Sûr que je ne l'ai point oublié, va, et que cela me ronge toute la nuit, cette idée-là, car c'est le premier depuis longtemps que je me trouverai à manquer. Comme à toi, cela me fait gros au cœur, et il me semble que j'ai un poids très lourd qui pèse sur moi, en pensant à notre vallée de Traon Mériadec, au petit bruit de notre Dounan qui gazouille dans les herbes. » Une immense mélancolie les emplissait tous les deux à cette idée, et une torture atroce entrait, à leurs paroles, dans l'esprit bouleversé de Thor Heppen. Avec cette fidélité de mémoire qui l'étonnait jadis et dont il comprenait maintenant la raison, il voyait dans le miroir à demi terni de son souvenir la fête grandiose sous les ombrages exquis de la vallée. Mais ce qu'il voit surtout, c'est un chemin creux qui vient de Plougasnou, et dans ce chemin une fine apparition blonde, une forme féminine qui vient vers lui, qui s'approche et dont les cheveux d'or sous la coiffe pimpante resplendissent dans le clair soleil. Il sent ses artères battre fiévreusement. Le cœur inondé de joie, il balbutie « Anne, ma douce des douces !» La voix de Lantoc fait évanouir l'hallucinante et précieuse vision. Bouleversé, Guy réplique « Hein, tu dis ?»« Je parle de filer son nœud, commandant !» reprend Lantoc en insistant. « S'évader ? Ah, ah !» Puis brusquement, sentant une énergie nouvelle le saisir. « Mais au fait, tu as raison, vieux diable. Pourquoi ne pas essayer ? Après tout, c'est le pardon de Saint-Jean du Doigt dans 3 jours et les gars de Bretagne doivent tout tenter pour y assister. » Le bel enthousiasme des anciens jours, soudain réveillé, luit dans ses yeux. Lantoc, Kéribin, Postec, Tanguy le constatent avec un étonnement joyeux et le maître tout en grognant un « Pas si haut, commandant, il y a des espions partout ici !» ajoute pour lui-même. Thor Heppen se retrouve. Pas clair encore, cette histoire-là. Le pardon de Saint-Jean du Doigt. Il y a de la petite corvette de Plougasnou là-dessous. Enfin, si c'est pour sortir d'ici, tant mieux. Déjà, avec une lucidité qui rappelle les meilleurs jours d'autrefois, Thor Heppen, à mi-voix, en breton pour plus de sécurité, discute avec ses lieutenants. La flamme d'enthousiasme se communique de l'un à l'autre et sans que, parmi les autres prisonniers habitués aux singularités du carré armoricain, aucune révélation ne transpire. L'équipage du Penbaz prépare pour la nuit même une audacieuse évasion au cours de laquelle on saisira quelques petits navires en rade pour cingler aussitôt vers la France. La journée, le repas du soir passèrent dans cette fièvre, et lors de la réquisition quotidienne de quelques hommes de corvée pour nettoyer le gaillard d'avant et le parc, Lantoc et Tanguy se trouvèrent pris, courbés sur le pont qu'ils lavaient soigneusement à grande eau à la clarté douteuse du crépuscule commençant. Les deux marins ne prêtaient guère d'attention au spectacle trop connu que leur offrait, depuis 2 mois, la rivière de Portchester, avec ses 9 pontons s'estompant peu à peu dans les brumes violacées du soir, lorsque Lantoc, levant la tête par hasard, laissa échapper une exclamation de surprise. Toute voile dehors, gracieux et svelte, un joli petit cutter sortait de l'arsenal de Portsmouth et manœuvrait dans la rivière aux dernières clartés du couchant, empourpré d'or et de sang. « Tanguy, regarde là-bas, c'est pas possible, j'ai le vertige !»« Par Sanctian Arbis !»« C'est lui ?» fit soudain émotionné le peu impressionnable Paganese, dont l'œil s'alluma d'une lueur étrange. « C'est lui, notre Penbaz ?» Immobile, bras ballants, tous deux s'hypnotisaient dans la contemplation de leur cher navire qui, réparé, remis à neuf, venait en effet mouillé en rade, redevenu le cutter anglais, le Sylph. Une injure brutale accompagnée d'un coup de crosse ramena Lantoc à la réalité et tous deux, se hâtant de terminer leur besogne imposée, rentrèrent dans le faux pont. Bientôt, par le sabord voisin, les corsaires purent contempler à la lueur incertaine des étoiles leur navire mouillé à 2 kilomètres du ponton, affourché sur ses 2 ancres, feu de position allumé, tandis que son nouvel équipage anglais s'endormait tranquillement. Une rage furieuse s'empara de leur cœur, en même temps que le pas des sentinelles, les cris de veille régulièrement répétés. Le calme absolu de la mer semblait leur montrer leurs espérances comme absurdes et leurs préparatifs d'évasion comme inutiles et vains.